Ce chemin, il est la mesure qui permet de distinguer le vrai du faux. Wallahi, ma kana sabiluhum, ma kana minhajuhum, illa kitabullah wa sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et par Allah, leur chemin et leur voie n'étaient rien d'autre que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فيا إخوتاه كفانا أن تنطلي علينا الخدع وألاعيب المخادعين ومغالطات المغالطين. Donc, chers frères, il nous suffit, ça suffit que nous nous laissions tromper par les ruses et les manigances des trompeurs, et que nous nous laissions tromper par les duperies des dupeurs. Kitabullahi bayna aydina wa sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bayna aydina. Le livre d'Allah est entre nos mains et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est entre nos mains. وبيانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح. Et l'explication du Coran et de la Sunna venant de la part du prophète, صلى الله عليه وسلم est claire. L'explication que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a donnée du Coran et de la Sunna est claire. وعقائد السلف واضحة ومنهجهم. Et les croyances des salaf, des pieux prédécesseurs, ainsi que leur voie, tout cela est clair. وقد هيأ الله لها فطبعت ونشرت. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait prédisposé et destiné des hommes pour se charger de cela. Et donc, elles ont été, la croyance des salaf et leur voix, elles ont été éditées et propagé. فمثل هذه الكتب عندكم البخاري ومسلم وغيره وغيرهما من كتب السنة. Ces livres sont entre vos mains. البخاري, نعم, le recueil authentique de Bukhari, le recueil authentique de Muslim, et d'autres parmi les livres de la Sunna. وعندكم تفسير ابن جرير وعندكم تفسير ابن كثير. Et vous avez l'explication du Coran, l'exégèse de Ibn Jarir, al-Tabari. Et également, vous avez l'exégèse de Ibn Kathir. Wa indakum as-sunnah li Abdillah ibn Ahmed. Wa indakum as-sunnah li Ahmed. Wa indakum at-tawhid ibn Khuzaima. Wa sharh usul i'tiqadi ahli sunnah wal jama'a lil-lalaka'i. Wal ibanatul kubra wa sughra li ibn Batta. Wa sharia lil-ajurri. Et vous avez également le livre La Sunna de Abdullah, fils de l'imam Ahmed. Et le livre également La Sunna de l'imam Ahmed. Et vous avez également le livre Le Tawhid de Ibn Khuzaima. Et le livre Explication des bases de la croyance des gens de la Sunna et du groupe de l'Allakai. Et également l'Ibanatul Kubra wa Sughra, également l'éclaircissement, le grand et le petit, ce sont deux livres de Ibn Battah, éclaircissement de la croyance des gens de la Sunna, et le livre Al-Sharia de la Jurri, le livre La Sharia de la Jurri. Hadihi hiya allati tumathil sabil al-mu'minin tamthilan wadihan la ghubar alayh. Ces livres que nous venons de citer, ce sont eux qui représentent et expliquent clairement la voie des croyants. Ils l'expliquent clairement et ils la représentent clairement, sans qu'il n'y ait de choses confuses dedans. Et